Pourquoi faut-il de la modération ? Lorsque l'on organise une discussion entre plusieurs êtres humains, par exemple dans un colloque, dans une conférence, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que l'on a toujours besoin d'un tiers qui va organiser la parole, un tiers qui va passer la parole à l'un puis à l'autre, qui va minuter le temps. Or, pour désigner ce tiers, il y a deux mots possibles. Cela m'a souvent frappé. On peut dire qu'il y a besoin d'un animateur ou bien qu'il y a besoin d'un modérateur. Le mot de modérateur est quasiment officiel d'ailleurs pour désigner ces personnes qui distribuent, qui règlent la parole. D'un côté, donc, on leur demande d'animer. Cela semble positif, intense. C'est quelqu'un qui va maintenir l'intérêt du débat, la passion de la discussion. Et de l'autre, cette fonction apparemment réductrice du modérateur qui, au contraire, aurait pour rôle alors de maintenir le temps, de calmer les esprits, de faire que rien d'important, de passionné, d'excessif, d'extrême ne se dise. Et finalement, on se fait une image de la modération comme quelque chose qui aplatit, qui aplanit, qui ne laisse pas venir les vrais sujets, les grandes idées. Cette idée de la modération que nous nous faisons toujours un peu négative, un peu méprisante. C'est un modéré, c'est quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller jusqu'aux extrémités. Or, cette idée de modération, par exemple, dans ces débats, dans ces conférences, dans ces discussions, peut certes avoir cette idée de neutralité pâle et fâle, mais cela peut aussi nous révéler l'essence véritable d'une autre modération ou d'un autre sens de la modération. Il y a deux autres idées qui s'y ajoutent à celles que nous venons de voir. La première, c'est qu'il faut éviter non pas seulement l'intensité, pas du tout l'intensité d'ailleurs elle-même, mais la violence. Modérer, c'est reconnaître qu'il y a toujours le risque dans une discussion humaine du recours à la violence. Et d'autre part, l'autre idée peut-être la plus importante qu'il y a dans ce travail du modérateur, c'est que précisément pour éviter ce risque toujours présent dans les relations humaines, il faut un effort. Le modérateur n'est pas forcément quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un de pâle ou de modéré. Peut-être au contraire que l'acte de modérer les passions humaines, de moduler, de concilier, aussi de répartir, d'équilibrer, cet acte suppose une tension, parfois elle-même extrême. La modération dans ce sens-là est quelque chose d'extrême potentiellement. Camus, Albert Camus, l'avait bien vu dans sa pensée de midi, au cœur de son livre « L'homme révolté ». C'est parfois la modération qui est extrême, de tenir les équilibres. La modération, alors, n'a rien de banal ou de fade, elle est au contraire tout à fait intense et vitale. Sans elle, on ne peut pas concilier nos pulsions contraires. Il ne faut donc pas opposer l'animation et la modération, mais plutôt deux concepts, deux sens, deux aspects de la modération elle-même, l'une qui est pâle et mortelle, et l'autre qui est agissante et vivante.